suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Dans notre première leçon, nous avons vu comment on se présente en luxembourgeois. Reprenons donc ce petit dialogue. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Wie as ere num, wann ich gelift. Mon nom est Schmidt. Mein num as Schmidt. Et votre prénom? An ere fienum. Mon prénom est Jean-Pierre. Mein fienum as Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre Schmidt. Ich heiße Jean-Pierre Schmidt. Je suis Jean-Pierre Schmidt. Ich bin de Jean-Pierre Schmidt. Et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Avez Sie dir, wann ich gelift? Mon nom est Wagner. Mein nom as Werner. Mon prénom est Diane. Mein fienum as Diane. Je m'appelle Diane Wagner. Ich heiße Diane Werner. Je suis Diane Wagner. Ich bin Diane Werner. Et vous, madame? An dir, madame. Comment vous appelez-vous? Wie heisch dir? Qui êtes-vous? Wie seid dir? Je suis Germaine Wolf. Ich bin Germaine Wolf. Enchantée. Et freut mich. Maintenant, analysons de plus près ce que nous avons vu jusqu'ici. Le luxembourgeois, comme le français, distingue entre le tutoiement et le vouvoiement, où le « vous » de politesse est le même que le « vous » de la deuxième personne plurielle, « wie seid ihr ?»« Qui êtes-vous ?» Le « tu » devient « du » en luxembourgeois. L'autre pronom personnel que nous venons de voir est le « je »« euch », comme dans « euch heischen »« euch sin ». Nous avons vu aussi deux adjectifs possessifs, « ehren » et « mein ».« Ehren » votre et « mein » mon. « Wie as ehrenum »« Mein num as Schmidt ». Le verbe « heischen » est un verbe régulier avec pour la première personne singulier une terminaison en « en »« euch heischen ». Et pour la deuxième personne plurielle ou le « vous » poli, une terminaison en « t »« dir heischt ». Du verbe auxiliaire « être »,« sin » en luxembourgeois, nous avons rencontré la première personne singulier « ich sin », la troisième personne singulier « mein num as » et pour le « vous »« dir sit », »« vous êtes ». Vous remarquerez que des fois dans un contexte apparemment identique, le même mot se termine en « n » et des fois il ne le fait pas. Il s'agit là d'une règle assez spéciale à laquelle nous reviendrons plus tard. Pour l'instant, je vous prie de simplement essayer d'entendre la différence. Ainsi, on dit « Ich heiße Jean-Pierre, mais ich heiße Emil. Ich heiße Carmen, mais ich heiße Diane. » Autre point assez exceptionnel à relever, le luxembourgeois emploie un article défini devant les noms personnels. Ainsi, on dit en luxembourgeois « Je suis le Jean-Pierre Schmidt, je suis la Diane, ich bin de Jean-Pierre Schmidt, ich bin Diane » ou, pour mieux le faire entendre, « ich bin Carmen ». Le « den » ou « de » au cas où on laisse tomber le « n » est l'article défini masculin, tandis que le féminin, et d'ailleurs le neutre aussi, prend un « d » apostrophe. Attention à la prononciation qui peut paraître un peu difficile au début. Il ne faut pas qu'on entende un « e » après le « d » au féminin. Donc, ne pas dire « ich bin de Carmen Werner », mais bien « Carmen Werner ». Sinon, vous masculinisez la pauvre femme. Nous avons aussi rencontré dans notre premier dialogue deux pronoms interrogatifs. « Veille », comment ou quel selon la tournure française comme dans « Wie as ehren num »« Wie heisch dir » et puis « Vienne », qui comme dans « Wie seid ihr ». Bon, continuons un peu dans notre dialogue. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous monsieur Schmidt ?»« Entschuldigt, monsieur, seid ihr den Herr Schmidt ?»« Oui, je suis monsieur Schmidt. » Jo, ich bin den Herr Schmidt. La question se fait donc par simple inversion du sujet et du verbe. Vous êtes Monsieur Schmidt, dir seid den Herr Schmidt. Êtes-vous Monsieur Schmidt? Seid ihr den Herr Schmidt? Vous aurez remarqué que même devant le monsieur, il y a un article défini en luxembourgeois. Den Herr Schmidt. Après ça, passons à quelques prépositions. D'où êtes-vous? Wo seid ihr? Je viens d'Angleterre, de Londres. Ich komme aus England, von London. Où habitez-vous? Wo wohnt ihr? J'habite en France, à Paris. Ich wohne in Frankreich, zu Paris. Reprenons les quelques phrases. Donc, pour répondre à la question « D'où venez-vous ?», vous employez la préposition « aus » pour indiquer le pays et « von » pour indiquer la localité. En réponse à la question « Où habitez-vous ?», vous employez la préposition « an » pour indiquer le pays et « zu » pour désigner la localité. Ich komme aus Russland, von Moskau. Je viens de Russie, de Moscou. J'habite en Allemagne, à Berlin. Ich wohne in Deutschland, zu Berlin. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons en quelques jours.